Sam, vous allez suivre Sam, Sam, vous allez suivre Sam. Vous allez suivre Sam. Sur le plateau, face caméra, dans les écrans de verre, tu as parcouru des centaines de kilomètres, toi. Pourquoi je te demande vraiment à te faire salut à ASV Tissus. Derrière le rideau, la vérité, toi et moi, dans la réalité. Bataille et Fontaine propose une courte pause, car ce soir tu cliques sur le rideau. Derrière le rideau, la vérité, toi et nous dans le cercle. Bataille et Fontaine, demain c'est ton arthrose, car ce soir tu tires le cordon du rideau. Ça, Rebecca. Bataille et Fontaine, le rideau. Sam. Rebecca, Bataille Fontaine, Le Rideau. Sur la ligne 7, un matin, je t'ai prise. Enfin, je veux dire que tu es montée dans mon autocar. Station Love at First Sight. Mon cœur a posé ses valises. Billets les simples, point bref, regarde ta part. Après plusieurs mois d'amour secret, je t'invite à suivre ça. Au bout du couloir, je suis là, derrière le rideau. C'est maintenant que je composte ma flamme. C'est maintenant que je tourne à la droite direction. Vérité, toi et moi, face à face, Bataille et Fontaine t'offre un verre d'eau. La vérité est derrière le rideau.